إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc premièrement remercier Allah subhanahu wa ta'ala et remercier les frères qui ont organisé ce séminaire à Québec. Et ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec mes frères aujourd'hui ici à Québec. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre la baraka dans cet effort qui a été fait. Puis on espère que ce ne sera pas le dernier de ces séminaires-là. Au contraire, on espère que, Inch'Allah, c'est au contraire quelque chose qui va se produire de plus en plus dans l'avenir, Inch'Allah. Et comme introduction ou comme entrée dans le sujet de ce séminaire, puisque c'est un sujet, c'est un séminaire dont le thème est la croyance islamique, la aqida du musulman, donc on commence par un sujet qui est relié à ça directement, c'est la quête de la science ou la quête du savoir dans l'islam et les règles de la quête de la science, les règles de les manières de la quête du savoir dans l'islam. Min adabi talab al-ilm, min adabi talab al-ilm. C'est une risale de Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafizahullah, et je vais rajouter également des explications et des détails du Cheikh Mohamed bin Hadi Al-Madkhali, hafizahullah. Il a fait une risala qui s'intitule, ou bien à la base c'était une conférence, ça s'appelait Al-Manhajiyya fi Talab al-Ilm, la méthodologie dans la quête de la science. Et c'est un sujet très important aussi, parce que des fois on veut apprendre l'islam, mais on ignore la bonne façon de le faire et on ignore la bonne méthodologie à suivre pour arriver à vraiment obtenir quelque chose de solide et de structurer comme science, une science qui est établie sur des bases, sur des fondements. Donc on va prendre quelques exemples aussi de ça, Inch'Allah. Donc Cheikh Al-Fawzan, il commence, il dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, khalaqa l'insan, allamahu al-bayan, allama bil-qalam, allama l'insan ma lam ya'lam, arsalahu Allah, arsala rasulahu bil-huda wa din al-haq, liyudhhirahu ala al-din kullihi. وكفى بالله شهيدا وأما بعد فإن طلب العلم هو أول واجب على العبد قبل العمل قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Donc le cheikh il commence par le fait de dire louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes qui a créé l'homme. Il lui a enseigné la façon de s'exprimer, il lui a enseigné par la plume. Il a enseigné à l'homme ce que l'homme ne savait pas. Et il a envoyé son messager avec la guidance et la religion de vérité, la science et les bonnes œuvres, pour que cette religion ait le dessus sur toute autre religion. Et Allah est suffisant comme témoin. Ensuite, il faut savoir que la quête de la science, c'est la première obligation pour le serviteur, avant les œuvres. C'est-à-dire que même avant d'adorer Allah, même avant de prier, avant de jeûner, avant de faire n'importe quel acte d'adoration, même avant de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, il faut hein, avoir la connaissance, avoir la science. Puisque sans la science, tu ne peux même pas savoir en quoi tu vas croire. Si tu ne connais pas Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas l'adorer. Tu ne peux pas savoir comment il est, hein, quels sont ses noms, quels sont ses attributs. Dans ce sens-là, on dit comment il est, dans le sens de comment Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit lui-même. C'est ça qu'on veut dire. Dans la révélation, dans le Coran et dans la Sunna. Donc, pour tout ce qu'on veut faire dans la religion, il faut toujours commencer par la science. Et les ulama, ils ont exprimé ça en disant « Al-ilm qabla al-qawli wal-amal ». La science passe avant yani, la parole et l'action. Et on voit tout de suite ici une distinction claire entre donc la méthodologie, hein, du Coran et de la Sunna, et qu'est-ce qui est établi dans les textes, et la méthodologie des gens de l'ignorance qui, au contraire, eux, appellent les musulmans à l'action en premier. Puis, ils les appellent à la science plus tard, après. Ou bien des fois même, ils ne les appellent pas du tout à la science. Ils ne font que les distraire, ou les éloigner, ou les écarter des ulama, hein, et les éloigner des hommes de science. Et faire tout pour qu'ils restent ignorants, pour pouvoir mieux les contrôler, pour pouvoir mieux les manipuler, puis faire ce qu'ils veulent avec les serviteurs d'Allah. Donc, on voit donc l'importance de la science. Et la preuve que la science passe avant toute autre action ou parole, c'est ce que le cheikh a cité comme preuve dans le verset 19, sourate Muhammad, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Sache que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah, et demande pardon pour ton péché. » Donc ça veut dire que Allah utilise la forme impérative, le verbe impératif de savoir, c'est-à-dire « sache », hein? C'est-à-dire « sache que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah. » Ça c'est la première, la plus importante des connaissances. Et ensuite l'action « wastaghfir li dhanbik » et demande pardon pour ton péché. Et pour les croyants et pour les croyantes. Le cheikh dit قال الإمام البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل وذكر هذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم وبدأ الله بالعلم قبل القول والعمل لأن العلم هو الأساس الذي يبنى عليه القول والعمل فعمل بدون علم ضلال كما أن العلم بدون عمل أيضا ضلال. Donc le cheikh il dit que l'imam al-Bukhari rahimahullah, dans un des chapitres de son Sahih, le Sahih al-Bukhari, il commence en disant que il établit un chapitre et l'intitule la science vient avant la parole et l'action. La science vient avant la parole et avant l'action. Et il cite comme preuve le verset 19 dans sourate Muhammad qu'on vient de lire, sache que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et demande pardon pour ton péché. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, il commence par la science avant la parole et l'action, parce que la science c'est la base, c'est le fondement sur lequel la parole et l'action est établie. Et donc une action sans science, une action, une pratique religieuse, une croyance qui serait établie mais sans science, sans connaissance, eh bien ce serait de l'égarement en réalité. Comment tu peux savoir que l'acte que tu fais est agréé par Allah et aimé d'Allah, ou fait de la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala le demande sans la science? C'est pas possible, hein? Et il dit que également une science sans la pratique et sans l'action, ça aussi c'est de l'égarement. Et il mentionne ensuite que il dit wa maghdubun ala alimin, maghdubun ala alimin la ya'mal bi'ilmihi wa lihadha قال سبحانه وتعالى معلما عباده في آخر سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالمنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح والمغضوب عليهم هم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل والضالون هم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى في كل ركعة حينما تقرأ هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة أن يهديك طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن يجنبك طريق المغضوب عليهم وهم العلماء الذين لا يعملون بعلمهم وطريق الضالين وهم الذين يعملون بدون علم. وهذا هو الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم به, أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. Donc le cheikh il explique que la personne qui a de la science mais qui ne l'applique pas, elle fait partie de ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il enseigne à son serviteur à la fin de sourate al-Fatiha, guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux qui yani sur qui tu as mis ta grâce, hein, qui sont dans ta grâce, et non le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni celui ni celui des égarés. Et ceux qui ont reçu la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ceux qui ont réuni les deux, la science et l'application, l'action, c'est-à-dire la science bénéfique et les bonnes œuvres. Et ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sont ceux qui ont pris uniquement la connaissance mais qui ont abandonné la pratique. Tandis que ceux qui se sont égarés sont ceux qui ont pris uniquement la pratique, hein, et qui ont abandonné la science. Et donc toi tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala dans ta prière, à chaque fois que tu pries, dans chaque raka'a tu récites Al-Fatiha, et dans la fin de Al-Fatiha tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te guide vers le droit chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne que le droit chemin c'est le chemin de ceux sur qui il a établi sa grâce. Et dans un autre verset dans sourate An-Nisa, il décrit ou il définit qui sont ceux sur qui, hein, Allah subhanahu wa ta'ala a mis sa grâce. Et le verset dit: min alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin. C'est-à-dire an-nabiyyin c'est les prophètes, as-siddiqin c'est les véridiques, ash-shuhada c'est les martyrs, et as-salihin c'est les vertueux et les pieux. Et tu demandes en même temps à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'écarte de deux voies, la voie des gens qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire les savants qui n'appliquent pas la science, et la voie des égarés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de science et donc qui se sont égarés à cause de cela. Et donc on doit s'écarter de ces deux chemins d'égarement. Et c'est avec cela que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bil huda wa din al haq, avec la guidance et la religion de vérité. Et les ulama ont expliqué que al huda, la guidance, c'est la science. La guidance, c'est la science, parce que sans science tu ne peux pas être guidé. Wa din al haq, c'est la religion de vérité, c'est l'application de la connaissance, c'est la pratique religieuse. Hein, la religion de vérité, c'est la pratique de la religion selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sharia d'Allah. فَالْهُدَى هُوَ الْعِلْمُ النَّافِعُ وَدِينُ الْحَقِّ هُوَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فَالرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثَ بِالْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَهُمَا قَرِينَانِ لَا يَفْتَرِقَانِ. Donc le cheikh explique donc que le messager d'Allah a été envoyé avec la science bénéfique et avec l'action qui est pieuse, qui est bonne. Ce sont deux choses qui ne se séparent jamais, la science et l'application. Et il dit: ولهذا حث الله سبحانه وتعالى عباده على طلب العلم والتفقه في الدين. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلولا نفر هذا حث من الله سبحانه وتعالى لعباده بأن يعني بأن تنفر يعني طائفة لطلب العلم والتفقه في دين الله يطلبون العلم في أي مكان يسافرون إليه في مكانه أينما وجدوه فيتفقهون في دين الله فيحصلون على بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il incite les croyants à chercher la science et à chercher la compréhension dans la religion, Et il mentionne le verset 122 dans Surat At-Tawbah, la repentance, dans lequel il mentionne que les croyants ne doivent pas tous partir au combat. C'est-à-dire, ça c'était après la bataille de Tabouk. Puisque après la bataille de Tabouk, tout le monde voulait partir. Parce que c'est la bataille qui a distingué entre les hypocrites et les croyants. Donc après cette bataille, tout le monde voulait partir, personne ne voulait rester derrière. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset qui dit, les croyants ne doivent pas tous partir. Si un groupe parmi vous restait pour chercher la compréhension de la religion et pour avertir leur peuple lorsqu'ils reviennent, pour qu'ils puissent être avertis. C'est donc que le cheikh explique que il doit y avoir un groupe parmi les serviteurs d'Allah qui cherche la science et qui cherche la compréhension de la religion d'Allah. Il la cherche partout où cette science se trouve. Il voyage vers les hommes de science pour l'apprendre et l'étudier. Et ceux qui font cette quête de la science et qui cherchent la science de cette manière, eh bien, ils reçoivent les belles annonces et la bonne nouvelle du messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, quiconque veut, quiconque pour qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Donc le cheikh il dit فَهَاُلَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِهَذِهِ الْمِيزَةِ لِأَنَّهُمْ سَافَرُوا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فِي أَمَاكِنِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَتَفَقَّهُ فِي دِينِ اللَّهِ. Donc ceux qui cherchent la science et qui vont partir pour apprendre la science, eh bien, ils ont cette particularité et cette spécificité, cette excellence du fait qu'ils ont voyagé pour aller chercher la science à l'endroit où se trouvent les hommes de science et ils ont cherché la compréhension de la religion d'Allah. Ça, c'est très important. Et c'est quelque chose qui doit se produire, c'est-à-dire que si les gens veulent que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala soit pratiquée et se propage, il faut absolument qu'il y ait parmi les croyants des gens qui se sacrifient dans le sens d'aller étudier la religion, d'aller apprendre la religion d'Allah auprès des hommes de science pendant des années pour obtenir une science qu'ils sont par la suite capables d'enseigner et de transmettre aux autres. Et là où les musulmans en ont besoin. Ça, c'est très important. Parce qu'on a malheureusement l'habitude de toujours mettre la responsabilité sur une personne, sur le dos de quelqu'un ou de quelques personnes. On dit, mais on n'a pas besoin de chercher la science, aller voyager pour apprendre avec les ulama, puisque un tel il l'a fait, ou un tel est allé étudier, ou un tel est allé étudier. Et ils mettent toute la charge, la responsabilité de la science et de l'enseignement sur une seule personne, ou deux, ou trois. C'est pas suffisant. Et c'est pas possible non plus pour un petit nombre de personnes comme ça de porter toute cette charge-là à eux seuls. Et donc c'est pour ça qu'il faut comprendre. Souvent il y a des gens qui disent « Oh, il faudrait avoir une école pour les musulmans, pour les enfants, pour qu'ils puissent apprendre leur religion. » Et la première question qu'on devrait poser avant de dire d'avoir une école, c'est « Il faut des professeurs, n'est-ce pas, pour enseigner. » Donc qui va enseigner dans l'école si on n'a pas des professeurs qualifiés? Donc c'est pour ça que tout ça, c'est des choses qu'on doit vraiment bien y penser et bien réfléchir dans ces questions-là. Et on voit ici l'importance de la quête du savoir et de la quête de la connaissance et de l'apprentissage de la religion d'Allah. Le cheikh, il dit, « ثُمَّ إِذَا تَفَقَّهُ فِي دِينِ اللَّهِ وَرَجَعُوا إِلَى بِلَادِهِمْ وَأَهْلِهِمْ فَإِنَّهُمْ يُنْظِرُونَهُمْ وَيُعَلِّمُونَهُمْ هَذَا الْعِلْمَ الَّذِي تَحَمَّلُوهُ ويكونون دعاة إلى الله على بصيرة عاملين بعلمهم داعين إليه هذه طريقة أهل النجاة وأهل الفلاح. Donc le cheikh il dit que lorsqu'ils auront appris la religion d'Allah, ils reviennent donc dans leur pays, dans leur famille, et ils les avertissent, ils leur donnent de l'enseignement, ils les enseignent cette science qu'ils ont appris, et ils deviennent des du'at, c'est-à-dire des gens qui invitent à Allah subhanahu wa ta'ala avec science, avec connaissance, avec compréhension. Et ils appliquent la science qu'ils ont acquise. Et ils invitent les gens à cette science. Et voilà le chemin ou la voie des gens du salut, des gens de la réussite. وقد قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به أو سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع فالذي يسعى في طلب العلم ويسلك طريقه فإنه يسهل الله طريقه إلى الجنة وكفى بهذا فخرا وعزا في الدنيا والآخرة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui cherche un chemin, ou qui emprunte un chemin plutôt, vers la science, hein, il cherche la science dans ce chemin, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter un chemin vers le paradis. Et dans une autre narration, ou dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que même que les anges battent leurs ailes, ou couvrent leurs ailes, de leurs ailes, la personne qui cherche la science par agrément pour ce qu'il fait. Donc celui qui cherche la science, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite, hein, la voie au paradis. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus, disons, yani, important pour quelqu'un que de chercher d'arriver à rentrer au paradis et d'obtenir le paradis? Juste ça seulement, ça suffit pour n'importe quel musulman qui cherche de la motivation ou qui veut être motivé dans la quête de la science. Le professeur Hassan, il te dit directement et clairement, tu veux aller au paradis, le chemin du paradis, c'est la quête de la science. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de plus que quelqu'un a besoin de dire à un musulman pour le motiver à obtenir ou à chercher la science de l'islam que de lui dire que c'est le chemin vers le paradis? Donc, Allah al-Musta'an, si quelqu'un, après avoir entendu ce hadith-là, il ne fait pas tous les efforts possibles pour essayer de chercher la science et d'arriver à connaître sa religion et connaître son Seigneur et comment l'adorer et ainsi de suite, eh bien, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut faire yani, mieux que ça. C'est parce que ce hadith, il est clair. Il est vraiment, mashallah, n'importe qui veut être motivé à chercher la science, il lit ce hadith-là, tout de suite il a envie de faire les efforts nécessaires pour arriver au paradis. Et le hadith aussi qui mentionne que les anges, hein, ils battent de leurs ailes pour le talib ilm, hein, en agrément pour qu'est-ce qu'il fait. Donc tout ça c'est des choses qui montrent à quel point il est méritoire pour quelqu'un de chercher la science et d'apprendre sa religion, sans même mentionner le fait qu'il retire de lui-même son ignorance et qu'il se libère de l'ignorance qui est en lui-même et il obtient cette science, il adore son créateur avec connaissance et avec compréhension, il s'éloigne de l'ignorance et de l'égarement. Donc ça c'est comme une lumière, la science c'est comme une lumière, et les ulama ils disent que même la science c'est une lumière. Le cheikh il dit bal inna nabi sallallahu alayhi wa sallam a qal إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر والعلم لا يحصل عفوا بدون طلب ولا بدون ولا بد من طلب العلم. Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que dans un hadith authentique que les ulama sont les héritiers des prophètes. Les ulama de l'islam, ce sont eux les héritiers des prophètes. Et qu'est-ce qu'ils ont hérité? Ils n'ont pas hérité des dinars, des pièces d'or, ou des dirhams, des pièces d'argent, mais ils ont hérité de la science. Ils ont hérité de la science des prophètes. Alors, celui qui veut avoir sa part de cet héritage, alors, celui qui prend sa part de l'héritage, il a pris la plus importante des parts. Et donc, la science, lorsque tu veux l'obtenir, tu ne peux pas juste rester assis comme ça, comme certaines personnes qui croient qu'en faisant des exercices spirituels ou de la méditation, ils atteignent l'illumination, puis tout d'un coup, la science viennent sur eux comme une émanation spirituelle, hein, juste en méditant ou en faisant le dhikr, ils deviennent des ulama, comme les soufis, hein, ou bien d'autres groupes de ces tendances-là. Non, c'est pas comme ça. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith authentique, innama al-ilmu bit-ta'allum. Innama al-ilmu bit-ta'allum. C'est-à-dire que la science ne vient que par l'étude et l'apprentissage. Tu ne peux pas juste comme ça t'asseoir pour avoir la science. Non, il faut chercher à l'obtenir. Et nous aujourd'hui, alhamdoulilah, on a juste à cliquer un clic avec notre ordinateur. On peut télécharger tous les livres de hadith avec un clic sur PDF. On les a comme ça en document. Et on oublie que ceux qui ont rassemblé et recueilli ces hadiths, ils ont parfois fait des voyages pendant des semaines et des semaines pour un seul hadith, pour l'obtenir. Donc pourquoi? Parce qu'ils ont compris l'importance de ça, hein? Et subhanallah, c'est qu'est-ce qui nous montre en fait la valeur de la science. Ça nous montre en fait l'effort qu'on fait pour l'obtenir. Quand tu fais beaucoup d'efforts pour obtenir quelque chose, il aura plus de valeur pour toi que si tu l'as, hein, comme on dit, cru dans le bec, comme on dit. Hein? Donc c'est souvent comme ça. Et c'est pas seulement pour la science, c'est pour beaucoup d'autres choses en même temps aussi, même dans la dunya. Les gens, ils disent souvent même ce genre de choses. Donc, le cheikh, il explique que, par la suite, il faut donc étudier. Il y a des frères comme ça. C'est pas des gens qui sont studieux. En général, c'est des frères qui ils aiment pas l'école, ils aiment pas l'apprentissage, ils aiment pas l'étude. Puis ils disent, ah, moi je vais aller étudier l'islam, je vais aller apprendre l'islam, je vais aller à l'université islamique à Médine. Et ils s'imaginent que le fait qu'ils vont aller à Médine, ils vont tout de suite comme si étudier, apprendre la religion comme ça. Mais s'ils aimaient pas étudier déjà à l'avance, s'ils n'aimaient pas les études et l'apprentissage, ben quand ils vont être là-bas, ils n'auront pas non plus l'habitude d'étudier plus la religion. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu vas être à l'université islamique de Médine que tu vas être plus studieux si tu n'étais pas déjà studieux. C'est-à-dire que si tu étais studieux et que tu aimais l'étude et l'apprentissage, là, dans ce cas-là, tu vas là-bas, tu vas être encore plus fort. Mais si tu n'étais pas, à moins que tu te... comme on dit, tu t'éduques, hein, tu te réformes toi-même pour arriver à développer en toi-même cet amour de l'étude et ce sérieux, cette discipline, hein, dont l'étudiant a besoin pour obtenir la science et devenir un étudiant en science islamique. Eh bien, si c'était pas le cas déjà, eh bien, tu l'auras pas plus là-bas. Et c'est ça qui était arrivé à beaucoup de gens qui sont partis étudier, puis finalement, ils n'ont pas vraiment profité plus que ça, puisque leur science, leur motivation, ou bien leur niveau d'assiduité dans l'étude n'était pas tellement au top, comme on dit. Voilà, yahsul, afwan lil insan, ou ilhal, ou ilhaman. أو تلقائيا كما يقول أهل التصوف. C'est ça que je disais. Le cheikh, il dit que ça vient pas par inspiration, la science, ou bien par comme ça automatiquement. Tu t'assois puis la science, ou bien les soufis là, comme ça, comme ils pensent que le cheikh, il te regarde et ça y est, ou il te touche puis tu deviens savant. Non, c'est pas comme ça, hein. Et après, il dit, وإنما العلم يحتاج إلى طلب وسعي في تحصيله وصبر في تلقيه. Donc, il dit que pour avoir la science, il faut faire la quête de la science et faire des efforts pour l'obtenir. Ça demande aussi beaucoup d'endurance et de patience, parce que tu dois rester assis pendant des heures devant le cheikh, prendre des notes, mémoriser, reviser, lire, hein. Tout ça, tu dois le faire, ça peut prendre des heures et des heures pour mémoriser un hadith, pour mémoriser une sourate, combien de temps tu vas prendre, hein? Donc, tout ça, c'est des efforts, c'est du temps. Et ça demande beaucoup d'efforts, de la discipline, et ainsi de suite. Donc c'est pas yani comme tu te laisses aller puis tu fais preuve de paresse puis tu penses que tu vas devenir talib ilm. Non. Il dit wa kadhalika al-ilm la yu'khadhu min al-kutub wahdaha. Hein? Wa la yu'khadhu al-ilm 'an al-muta'allimin alladhina lam yatafaqahu fi dinillah. Wa ghayatu ma yakun annahum yaqra'una fi al-kutub aw yahfazuna shay'an min an-nusus. ولا يفقهون معناها ولا يتلقونها عن أهل العلم فهذه طريقة ضارة لأن العلم لا يؤخذ إلا عن أهل العلم بالتلقي عن العلماء جيلا بعد جيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. Donc ça c'est un rappel de la part de Cheikh Al-Fawzan qui est vraiment important, et les ulama ils le mentionnent souvent parce que à notre époque, comme je disais tout à l'heure, on a tout au bout des doigts, avec un clic. Mais le cheikh, il nous rappelle, il dit que la science aussi, il faut comprendre qu'elle ne se prend pas des livres seulement. C'est-à-dire que tu ne vas pas voir quelqu'un qui est un savant, puis qu'il n'a pas étudié avec les savants. C'est-à-dire que le savant, pour qu'il devienne savant, ça veut dire qu'il prend la science de la bouche des savants, directement de leur bouche. Hein? C'est pas dans les livres seulement. Ou bien il prend pas la science de ceux qu'on appelle des muta'alimin, c'est-à-dire des gens qui prétendent à la science de l'islam, mais que c'est pas leur domaine, c'est pas leur hein, ils ont pas étudié avec les ulama, ils ont lu des livres et ils sont, comme on dit, des autodidactes, hein, des autodidactes. Ils apprennent par eux-mêmes, tout seuls, avec les livres, puis ils pensent que ça y est, ils ont compris. Parfois même, ils pensent qu'ils ont mieux compris que les ulama. Donc ils vont même commencer à dénigrer les hommes de science. Hein? Comme certains égarés qui disaient « Oh, moi j'ai mieux compris qu'un tel ou qu'un tel. » Les paroles de Ibn Taymiyyah ou des choses comme ça. Donc ça, c'est là que tu vois l'égarement. Et ça, ça me fait penser beaucoup à l'attitude des Khawarij. À l'époque, il y avait un takfiri justement, très célèbre, qui disait ça. Moi j'ai mieux compris Ibn Taymiyyah que les ulama. Et à l'époque des sahaba, ben, les khawarij pensaient qu'ils avaient mieux compris le Coran que les sahaba. À l'époque des sahaba, les khawarij, ils pensaient qu'ils avaient mieux compris que Ali radiallahu anhu. Puis ils voulaient essayer de réfuter Ali radiallahu anhu en citant à Ali des versets de Coran. Donc il disait à Ali, la hukma illa lillah, la hukm illa lillah, il n'y a pas de jugement excepté à Allah, c'est à Allah qu'appartient le jugement. Quoi, Ali il ne connaissait pas l'interprétation de ce verset et l'application de ce verset, hein? In il hukmu illa lillah, il ne sait pas qu'est-ce que ça signifie et comment l'appliquer. Il pense que Ali radiallahu anhu va contredire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces choses-là, hein? Et que les sahaba, s'il a contredit, les autres sahaba vont pas le corriger, vont pas le réfuter, alors c'est eux qui doivent venir pour le corriger, Allah musta'an. Donc c'est ça qui nous montre, hein, l'égarement donc de cette trempe ou cette catégorie de personnes qu'on appelle les al-muta'alimoun. Al-muta'alimoun, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des savants, mais qui se montrent comme étant eux-mêmes des savants. Ceux qui n'ont pas cherché à étudier ou à comprendre la religion d'Allah avec les ulama. La seule chose qu'ils font, c'est qu'ils lisent des livres et ils mémorisent des textes, le Coran. Il y en a qui sont hafiz Coran même. Et souvent, c'est comme ça que les gens, dans le commun des musulmans, pour le commun des musulmans, le savant, c'est celui qui a mémorisé le Coran. Hein? S'il a mémorisé le Coran. Ou bien, celui qui fait la khutba, il ne prend pas une feuille avec des notes. C'est-à-dire, il monte sur le mimbar comme ça, puis il commence à sortir les hadiths, les versets. Ah, là, ils disent, ah, ça c'est lui, ça c'est un grand cheikh, un grand alim. Alors que pour les ulama, même à l'époque des salafs, il y en a beaucoup d'entre eux, ils lisaient leurs écrits. Hein, ils enseignaient à partir de leurs livres et c'était parmi les plus grands ulama. Non. Donc après, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit, donc ils lisent dans les livres, mémorisent quelques textes, ils ne comprennent même pas parfois la signification de ces textes, et ils ne l'ont pas appris de la part des hommes de science. Et il dit que cette méthode, c'est une méthode qui est nuisible, parce que la science, elle ne se prend que de la part des hommes de science, et on ne l'apprend que des ulama, génération après génération, jusqu'à ce que Allah hérite de la terre et de ce qui est dessus. فمن أصول التعلم وأساسات التعلم هذا الأمر أنه يؤخذ عن العلماء الربانيين العلماء المعروفين بالعلم الذين تحملوه عن مشايخهم وهم يحملونه لطلابهم ويتوارثونه بينهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. Donc le cheikh il explique que parmi les fondements donc de l'apprentissage, c'est cette chose très importante que la science elle doit être prise des ulama rabbaniyin, des ulama éducateurs, des ulama qui sont connus et reconnus pour leur science, la science qu'ils ont eux-mêmes appris de leur chouyour. Donc il y a une chaîne. Il n'y a pas de chaîne, la chaîne n'est pas brisée. C'est une chaîne continue. Et donc, tu peux savoir, par exemple, d'où est-ce que les savants que tu suis ont appris leur religion. Et comment ils l'ont appris? Ils l'ont appris de qui? De leur chouyour. Et leur chouyour, c'est qui? On les connaît. Hein? On connaît leur chouyour. Parce qu'ils ont hérité de la science génération après génération. Hein, un tel c'est l'élève de un tel, un tel c'est l'élève de un tel, un tel c'est l'élève de un tel, et on sait donc d'où cette science elle arrive, d'où est-ce qu'elle vient cette science. Aujourd'hui, n'importe qui, hein, comme on a dit, il apprend la science dans un livre, puis il arrive et puis il dit, yani, je vais vous donner des cours sur l'islam, je vais vous apprendre la religion, on ne sait même pas c'est qui. C'est chouyour, on ne sait pas où est-ce qu'il a appris, on ne sait pas c'était quoi la méthodologie de ceux chez qui il est allé apprendre, c'était quoi leur voix, leur compréhension, est-ce que c'était des gens qui étaient sur la compréhension des salaf salih, on ne sait pas. Donc tout ça c'est pas clair, hein? Tout ça c'est pas clair, et donc ça reste qu'il y a un point d'interrogation sur la personne en question, est-ce qu'elle enseigne qu'est-ce qui est vraiment correct ou non. Puis quand elle commence à enseigner des choses, on commence à découvrir que finalement, elle contredit la position des ulama. Donc on voit ça aujourd'hui clairement dans des individus très connus qui sont des prêcheurs à la télé ou à la radio ou dans d'autres médias, puis qui sont devenus célèbres et qu'on réalise par la suite que en fait, c'était pas des gens qui ont suivi la voie et la méthodologie de nos ulama. Donc, au début, ils réussissent parfois à se faire à passer entre les filets, comme on dit. Mais après, tôt ou tard, ça sort. Tôt ou tard, ça sort. Et malgré tout, malheureusement, des fois, il y a des gens qui s'attachent à ces personnages-là. Il y a des gens qui s'attachent émotionnellement à ces individus-là. Puis qui développent pour eux de l'affection ou de l'amour. Donc quand tu commences à mettre en garde contre eux et avertir contre eux pour faire savoir en réalité que ce sont des imposteurs ou que ce ne sont pas des gens qui sont sur la bonne voie, eh bien ça devient très difficile pour eux de les délaisser et de se détacher d'eux. Pourquoi? Parce que c'est comme l'hameçon, tu vois. Une fois que l'hameçon est rentré dans le cœur, si tu l'enlèves, pour l'enlever, yani, ça risque yani, de faire une blessure, hein, en même temps. Ça arrache quelque chose en même temps. Pourquoi? Parce que la personne est attachée sentimentalement à cet individu-là. Et ça, c'est ça qui est triste, ça qui est dangereux. Donc il faut s'attacher, hein, aux hommes de science avant tout et se rappeler que yani, si tu prends ta science des hommes de science, tu risques moins justement de tomber dans ce genre de situation-là. Le cheikh il dit, فهذا من أصول طلب العلم. الرحلة إلى العلماء والتماس العلماء والتماس العلماء في أي مكان حتى يؤخذ عنهم العلم، وهذا هو الطريق الذي من سلكه سهل الله له طريقا إلى الجنة. Donc si tu veux avoir le chemin vers le paradis, c'est cette voie-là que tu dois suivre pour obtenir la science. C'est cette façon-là et cette méthode-là. Et ça, ça fait partie des fondements donc de l'enseignement. Donc il dit وَمِنْ أُصُولِ التَّعَلُّمْ كَذَلِكَ الْمُهِمَّ أَنَا الْإِنسَانِ لَا يَبْدَأُ الْعِلْمُ مِنْ فُرُوعِهِ وَأَعْلَاهِ وَإِنَّمَا يَبْدَأُ الْعِلْمُ مِنَ الْأَسَاسِ. Un autre fondement dans l'apprentissage de la science, c'est que tu ne dois pas commencer par les branches. Tu commences par la base, par les racines, par le tronc. Tu établis ta science comme quand tu construis une maison. Tu commences par la fondation en premier. Tu ne commences pas tout de suite par le toit, les fenêtres ou d'autres choses. Et malheureusement, ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas compris. Eux, ils veulent tout de suite aller vers les gros livres, les grosses explications détaillées, tu vois. Et donc, ça, c'est très, très mauvais. Très dangereux. C'est pour ça que la plupart des gens, ils n'ont pas de base dans leur compréhension de l'islam, parce qu'ils ne commencent pas par le commencement. Même dans les études de la dunya, si tu n'as pas fait l'école primaire, tu ne vas pas faire secondaire, tu ne vas pas faire l'université avant d'avoir fait le cégep ou ainsi de suite. Il y a des étapes à suivre dans la science. Il faut avancer graduellement. Commencer par ce qui est plus simple, ce qui est plus fondamental, puis bâtir par-dessus, petit à petit. Qu'est-ce qu'on appelle en arabe « at-tadarruj »?« At-tadarruj fi l'ilm ». Donc le cheikh, il dit, il mentionne, il dit « Anna l'insan la yabda'u »« Innama yabda'u al-ilmu min al-asas »« Shay'an fa shay'an »« Yatalaqahu shay'an fa shay'an min al-kutub al-mukhtasara »« Fi kulli fannin » حفظاً وفهماً على أيدي العلماء لا يقرأ ويبدأ في المطولات من الكتب ولا يبدأ بكتب الخلاف والأقوال وإنما يؤخذ العلم شيئاً فشيئاً ويتدرج فيه شيئاً فشيئاً لا يؤخذ دفعة واحدة لا يؤخذ إلا عن طريق التدرج شيئاً فشيئاً. Donc le cheikh il explique que et on espère qu'on va pas avoir les femelles là, qui vont sauter, qui vont rentrer ici au stade, on ne sait jamais. C'est arrivé à d'autres personnes, je ne veux pas que ça nous arrive à nous, qu'Allah nous en préserve. Ça, c'est des shayatines. Hein. Soyez prêts, si jamais on ne sait jamais, soyez prêts. Non. Donc, c'est ça, il faut y aller graduellement. On commence pas par les livres qui sont vraiment détaillés, développés, qui rentrent dans les divergences et les différentes positions des ulama. Non, on commence par les choses qui sont plus simples, plus claires, plus faciles, puis on avance. وكذلك من أصول طلب العلم أن طالب العلم لا يقتصر على فن واحد. C'est ça. Le cheikh explique que, en fait, dans l'islam, il y a plusieurs domaines. Dans l'apprentissage de la religion, il y a plusieurs domaines. Il y a le Coran, il y a les hadiths, il y a le fiqh, il y a l'aqida, il y a le tafsir, et ainsi de suite. Dans chaque domaine en général, il y a toujours qu'est-ce qu'on appelle un matn. Un matn. Dans chaque fan, c'est yani le domaine ou le domaine d'étude ou le sujet. Il y a un matn. Matnun, c'est un texte de base. Un texte de base, et c'est en général un mukhtasar, un résumé de la science en question. Et c'est par ce matn que tu dois commencer à apprendre cette science en question. Donc par exemple, tu vas apprendre la aqida, la croyance, le tawhid. Tu ne vas pas commencer directement avec kitab al-tawhid, ou avec Kashf al-Shubuhat, ou bien l'Aqidatul Wasitiyya. Non, tu vas commencer par quelque chose de plus facile, comme Al-Usul al-Thalatha. Al-Usul al-Thalatha, c'est un petit livre. Il y a des gens qui vont dire, ah oui, mais ça c'est facile, Al-Usul al-Thalatha c'est très facile. Pas besoin d'étudier ça, c'est pour les enfants. Oui, mais est-ce que tu l'as bien compris, Al-Usul al-Thalatha? Il y a un, une différence entre le livre puis la compréhension du livre. Si tu rentres dans la compréhension du livre, il y a dans Al-Usul al-Thalatha des choses que même dans les gros volumes tu ne trouves pas. Il y a dans Al-Usul al-Thalatha, le petit livre de Al-Usul al-Thalatha, des choses, quand tu cherches dans les gros livres, des fois tu as du mal à le trouver. Si tu l'as bien compris à Al-Usul al-Thalatha, ça te donne une base vraiment solide. Surtout si tu l'étudies et tu l'apprends avec les ulama. Donc, il ne faut jamais dénigrer un livre par sa taille ou bien son volume. Tu dis le livre est petit, hein, c'est pas important ce livre-là. Non, c'est pas comme ça. C'est pas la grosseur du livre qui détermine son importance ou sa priorité. Aussi, il faut pas. Le cheikh dit. Ça. Donc il y a plusieurs Mukhtasar dans chaque science. Puis tu dois donner à chaque science le sujet. À chaque science, tu dois donner son importance et l'étudier étape par étape. Le cheikh, il continue à élaborer là-dessus. Mais je veux maintenant aller vers la Risala de cheikh Mohammed bin Hadi qui donne des exemples plus concrets pour nous faire comprendre ces explications-là, dans le sens qu'il donne des exemples avec des titres de livres et des choses, des méthodologies, une méthodologie vraiment bien clarifiée. Puis moi-même, ça m'a beaucoup aidé. Et ça, c'est des choses que, à l'époque, moi-même, quand j'étais étudiant à Médine, je n'avais pas apprises, malheureusement. Et j'aurais souhaité avoir appris ça avant d'aller étudier en Arabie Saoudite pour étudier la religion musulmane. Mais malheureusement, j'avais pas appris ça. Le fait de connaître ce genre de choses, ça te fait sauver du temps, ça fait sauver de l'énergie, ça fait sauver de l'argent, ça fait sauver beaucoup de choses parce que tu vas pas te fatiguer pour rien à apprendre n'importe comment. Tu prends un livre ici, un livre là, aller ici, aller là, puis tu suis pas une méthodologie claire. Donc tu tournes en rond en fait. Donc c'est pour ça que une fois que tu connais la méthodologie, là tu vas vraiment profiter. Tu vas vraiment profiter, puis ta science va être bénie. La science que tu vas apprendre, elle va être bénie. La question qui a été posée au Cheikh Mohammed bin Hadi, et ça c'était une question qui lui a été posée, c'était le 30e jour du 5e mois du calendrier islamique de l'an 1433. C'était une conférence qui a eu lieu dans sa maison. À Médine, Cheikh Dr. Mohammed bin Hadi Al-Madkhali. On lui a posé la question: ما هي المنهجية النافعة في طلب العلم وما هي الكتب التي تنصحون بها في سائر الفنون. Donc, quelle est la méthodologie bénéfique pour la quête de la science et quels sont les livres que vous nous conseillez d'étudier dans chaque science, dans chaque domaine? Le Cheikh, il a répondu en disant Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna hadha as-su'al yatakarrar da'iman wa huwa fil haqiqati ar-rukn ar-rakin fi tahsil al-'ilm as-sahih al-matin alladhi tanbani 'alayhi shakhsiyatu talib al-'ilm fi awwal at-talab thumma at-tamakkun min at-talab thumma insha'Allah يكون عالما بفضله ورحمته ثم بسبب سيره إن أحسن السير في هذا الطريق. Donc il dit louange à Allah Seigneur des mondes et paix et salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et ses compagnons. Ensuite, cette question elle se répète constamment et il dit que en réalité c'est un fondement, c'est quelque chose qui est un pilier fondamental. Et la quête de la science de la manière qui est correcte et qui est solide, hein, qui va établir la personnalité du talib ilm, celui qui cherche la science, depuis le début de sa quête de la science, quand il commence, et qui va lui permettre de s'établir dans sa quête de la science, inshallah, et d'être, par la permission d'Allah, un savant, par sa grâce et sa miséricorde. S'il est bon dans sa quête et dans sa façon de chercher sur ce chemin-là. Et il dit al-manhajiyyah fi talab al-ilm, awwal shay'in fiha huwa at-tadarruj fi talab al-ilm wa at-talaqqi wa hadha yakunu bi akhdh al-ilm shay'an fa shay'an. Donc il dit la première chose dans la méthodologie de l'apprentissage de la science, c'est de prendre la science graduellement. Hein? Et ça c'est y aller étape par étape. فيبدأ بمختصرات العلوم في جميع الفنون. Donc tu prends les résumés des sciences dans chaque domaine. فأولا بعد ما فرغ من كتاب الله وقراءة وتصحيحا من حيث اللحن الظاهر الجلي في الحركات وتصحيحا من حيث اللحن الخفي فيما يتعلق بأمور التجويد فإذا فرغ من ذلك فينبغي لطالب العلم مع قراءته للقرآن حتى يتقنه على النحو الذي ذكرنا يعني حفظ متن يعني في التجويد ولا أحسن من متن تحفة الأطفال في تجويد القرآن. Donc le cheikh il dit que il y a dans chaque science donc un matin résumé, et donc après avoir mémorisé le livre d'Allah et après avoir su comment le réciter correctement sans avoir fait des erreurs apparentes ou des erreurs subtiles ou cachées, et après avoir étudié le tajwid, comment les règles de récitation du Coran, là après tu peux commencer à mémoriser dans les autres sciences un matin, comme par exemple dans la science du tajwid. Il y a par exemple le matin qu'on appelle Tuhfatul Adfal. Pour nous, par exemple, des gens qui ne sommes pas arabophones, ou bien qui sont à la base convertis, on n'en connaît pas l'arabe, donc on va dire, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut quand même faire cette méthode, ou suivre cette méthodologie-là? Oui, on peut quand même le faire, mais il faut bien entendu mettre en priorité l'apprentissage de la langue arabe. Mais tu peux apprendre, commencer à mémoriser le Coran, et apprendre le Coran, et apprendre le tajwid, et le fait même de mémoriser le Coran et d'apprendre le Coran, ça va même t'aider à apprendre l'arabe. Et beaucoup de gens comme ça, ils ne réalisent pas. Il y a beaucoup de gens qui, ils ont de la misère en arabe. Puis quand tu leur demandes, est-ce que tu récites régulièrement le Coran, est-ce que tu apprends à lire le Coran, est-ce que tu apprends le tajwid? Non. Alors, ne t'étonne pas que tu aies de la difficulté à apprendre l'arabe alors que tu as de la difficulté avec le Coran. Parce que le Coran, c'est la clé qui va t'aider à même apprendre à réciter le Coran, à parler arabe, prononcer correctement les lettres, connaître beaucoup de vocabulaire, connaître beaucoup de mots. Juste en connaissant le Coran, tu vas apprendre beaucoup de mots arabes, beaucoup de vocabulaire arabe, beaucoup de formes, de façons de parler. Ça va t'ouvrir la porte vers la langue arabe. Oui, c'est ça. C'est ce que je vais faire. Ouais. Donc l'arabe, c'est important. Puis les livres d'arabe, pour apprendre l'arabe, il y en a plusieurs. Vous connaissez les livres de Médine qui sont utilisés là-bas. Ça, c'est un bon livre, mais il y en a d'autres également. C'est pas les seuls. Puis des fois, c'est bon de diversifier les livres. Pas juste de se baser sur une seule méthode ou un seul livre, mais d'utiliser le plus de livres possible pour apprendre l'arabe. Comme ça, ça te donne... Parce qu'étant donné qu'il n'y a pas un livre parfait pour apprendre l'arabe, il n'y a pas un livre qui va t'apprendre tout. C'est bon d'avoir différents livres. Comme ça, qu'est-ce qui est dans un, qu'est-ce qui n'est pas dans un, tu vas le retrouver dans un autre. Donc, l'arabe, le Coran, il faut le mémoriser, il faut l'apprendre. Ça va vous aider pour apprendre l'arabe. Puis, sur le côté, vous apprenez l'arabe avec un professeur, quelqu'un qui maîtrise bien l'arabe, quelqu'un qui connaît bien l'arabe, vous asseyez avec lui. Ça, c'est très important. Tuhfatul Atfal, c'est un matin pour mémoriser les règles de tajwid. C'est en forme de poésie, donc c'est très facile. Puis, même si vous ne connaissez pas l'arabe, c'est sûr qu'au début, vous n'allez pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire, mais au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre apprentissage de la langue arabe, vous allez commencer à comprendre. Puis le fait d'avoir mémorisé ce poème-là, bien ça va vous faire mémoriser les règles de Tajwid. Et il y a même des matins, comme on, par exemple, pour la grammaire, bon, je ne l'ai pas avec moi, mais attendez, peut-être que je l'ai ici, non, je l'ai laissé en haut. C'est, même dans la grammaire, il y a des matins comme ça. Il y a la Jurumiya, et il y a des formes de même de la Jurumiya écrit en forme de poésie. Et tu peux le mémoriser, mais c'est bien facile. Ok, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Que ce livre, At-Tuhfatul Atfal, c'est un livre qui a été écrit pour faire apprendre ça aux enfants, à la base. Même à la Jurumiya, c'était écrit pour les enfants. À l'Usul al-Thalatha, c'était écrit pour les enfants, à la base. Sauf que les enfants de l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, comme si avec le temps, on régresse. Hein, l'humanité régresse dans la connaissance au lieu d'évoluer comme ce que les gens pensent. Et ben, à l'époque, qu'est-ce que les enfants apprenaient dans leur enfance? Aujourd'hui, c'est les adultes qui l'étudient, qui l'apprennent. Et donc, c'est pour dire que c'est un livre de base et que les enfants l'apprenaient avant, puis qu'ils bâtissaient sur ça. Aujourd'hui, il y a encore des enfants qui l'apprennent, mais étant donné que nous, on est plus âgés, donc on peut quand même profiter de ce livre-là, puis à établir notre base dans la compréhension de la religion par ces petits livres-là. C'est très, très important, très, très bénéfique. Tu dois aussi, qu'est-ce qui est bien, c'est comme, par exemple, quand tu vas mémoriser le Coran, tu le mémorises avec un cheikh, quelqu'un qui maîtrise les récitations du Coran. Ici, dans les pays de non-musulmans, c'est souvent très rare ou difficile à trouver. Donc c'est pour ça l'avantage de rester dans un pays musulman ou d'aller dans un pays musulman pour étudier. Dans les mosquées, il y a toujours quelqu'un qui maîtrise la récitation du Coran. Si ce n'est pas l'imam de la mosquée, c'est, il y a des shuyukh, par exemple, à Médine. Eh bien, dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui sont qualifiés, qui sont là, qui enseignent tous les jours, toute la journée. Et maintenant, ils ont même vu dernièrement, quand je suis allé à Médine, ils mettent même une pancarte avec leur nom, puis le fait qu'ils sont enseignants et qu'ils ont une ijaza, c'est-à-dire une permission d'enseigner le Coran avec une chaîne même de transmission de cette récitation-là. Donc vous pouvez vous asseoir avec le cheikh, vous lui demandez, et puis s'il accepte, donc vous pouvez tous les jours vous allez vous asseoir avec lui et vous lui récitez ce que vous mémorisez, puis il vous corrige et vous apprend Tajwid. Donc ça c'est vraiment facile, ça c'est pas compliqué. Il va même aussi vous corriger. Il y a des profs qui enseignent le Tajwid seulement, il y en a d'autres qui corrigent la récitation, la mémorisation et d'autres choses. Donc chacun il a sa spécialité. Son domaine. Donc après le cheikh il dit thumma yutqin ahkam at-tajwid n'am wa ma yata'allaq yani biha wa yantaqilu ba'da dhalika ila hifz al-mutun fi al-funun fa mathalan fi al-hadith yabda'u bil 40 an-nawawiyya. Donc dans le hadith tu commences par les 40 hadiths de l'imam an-nawawi. Ça c'est 40 hadiths, ça résume l'islam au complet. Ces 40 hadiths résument toutes les règles les plus importantes de l'islam. Donc, juste avec ces 40 hadiths-là, si tu les as mémorisés, que tu les comprends comme il faut, avec les détails des explications des ulama, tu vas avoir une base dans ta compréhension de la religion de l'islam. Lorsque il dit le cheikh, yani فَإِذَا فَرِغَ مِنْهَا انْتَقَلَ إِلَى عُمْدَةِ الْأَحْكَامِ. Quand tu as fini avec Al-Arba'un al-Nawawiyya, tu vas mémoriser ensuite Umdatul Ahkam. Et Umdatul Ahkam, c'est un petit livre de hadith, mais c'est les hadiths qui parlent seulement des règles de la charia et qui est classifié par les chapitres de fiqh. Umdatul Ahkam, Umda, ça veut dire le pilier. Umda, ça veut dire le pilier. Et Al-Ahkam, ça veut dire les règles. Donc le pilier des règles. Pourquoi le cheikh, l'imam qui a écrit ce livre, il l'a appelé comme ça? C'est parce que c'est une base, ce livre-là, pour connaître les preuves de la charia. Et après, après que tu l'as mémorisé, puis que tu l'as étudié, tu l'étudies avec son explication, eh bien, tu vas avoir une bonne base. Tu vas avoir une bonne base. Et avec des. Comme si. Ça te permet d'avoir les preuves des textes du Coran, et c'est toutes des hadiths authentiques parce que c'est tiré de Al-Bukhari et Muslim. Ça te permet d'avoir des bonnes bases dans ta compréhension du fiqh de l'islam. Après, bon, il y a un autre degré après au-dessus. Hein, c'est Bulugh al-Maram. Un autre degré, plus haut. Bulugh al-Maram. Mais ça sert à rien d'apprendre les noms de ces livres-là en français. Ça, c'est des livres arabes. Et donc, il faut les étudier en arabe. Donc, le fait de connaître le titre du livre en arabe, c'est ça qui va t'aider. Mais de connaître la traduction du titre, ça va pas te donner grand-chose, sauf que Bulugh al-Maram, ça veut dire l'arrivée au but. Ben, Bulugh al-Maram, moi je l'ai en français à la maison, il a été traduit, et les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi sont traduits en français aussi. Donc, il existe en français, mais moi je te dis les titres en arabe, pour que... Celui-là, il est en français? Ok, il est en français. Moi je ne l'ai jamais vu en français, mais le frère il l'a vu, donc il l'a vu. Donc, c'est pour dire... l'apprentissage de l'islam, moi je suis en train de t'expliquer maintenant les livres en arabe pour que tu les étudies en arabe. La traduction, ça va t'aider quand, peut-être plus tard, si inshallah, après avoir étudié ces livres là tu vas les enseigner à tes élèves, tu vas peut-être utiliser la traduction pour t'aider à traduire en français pour leur expliquer la signification de ces hadiths. Mais dis-toi que l'apprentissage de ces hadiths là à la base va être le plus bénéfique pour toi, c'est dans la langue arabe. Parce que comment tu vas faire pour savoir que cette traduction-là, elle est correcte ou non? Il y a des choses peut-être qui ont mal été traduites. Tu as besoin d'être capable de connaître l'arabe pour être capable de vérifier si cette traduction, elle est correcte. Tu vois? Il ne faut pas se décourager face à l'arabe. Tu dis, oh, c'est difficile, c'est compliqué. Non, c'est pas difficile, c'est pas compliqué. Il faut juste faire l'effort. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. On a rendu le Coran facile pour le rappel. Donc tu vas l'étudier et puis tu fais preuve de sincérité. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il va te faciliter cette science-là. Hein? Donc, Umdatul Ahkam, Bulugh al-Maram, ça c'est les trois degrés. Ensuite, le Cheikh il donne d'autres exemples. Il dit Thumma ida arada at-tawassu' akhadha ma yassara Allah. Fa ida ja'a ila tafsir qara'a muqaddimatun fi usul at-tafsir. Donc, dans le tafsir, il y a les livres qui parlent par exemple de l'introduction sur les fondements du tafsir. Les fondements du tafsir. Donc, il y a un livre de Ibn Taymiyyah qui s'appelle Muqaddimah. L'introduction au fondement du tafsir. Muqaddimatun fi usul al-tafsir. Et fa yutqinu al-usul wal-qawa'id allati yanbani 'alayha al-tafsir as-sahih. Donc tu vas connaître, en connaissant ce livre, en étudiant ce livre-là, en le lisant, tu vas connaître les bases sur lesquelles l'interprétation du Coran est faite. Est établi pour comprendre le Coran comme il faut et correctement. Hein? Il dit Na'am yanbani 'alayha at-tafsir as-sahih wa ya'rifu bidhalika wujuh at-tafsir allati yaqra'uha fi ma ba'd, yani fi kutub at-tafsir wa hal hiya mashiyatun 'ala al-qawa'id as-sahiha. Donc plus tard, quand tu vas lire les livres de tafsir, tu vas être capable de savoir est-ce que l'interprétation en question, elle respecte les principes et les règles de l'interprétation islamique du Coran, ou est-ce que elle est en contradiction. Donc ça, c'est des choses qui vont t'aider. Il dit وبعد ذلك من أحسن ما ننصحه بأن يقرأ فيه في هذا الباب تفسير ابن كثير واختصاره. Donc le meilleur tafsir que le cheikh il donne comme qu'il conseille aux gens de lire, c'est le tafsir Ibn Kathir. Il est très célèbre ce tafsir. C'est une interprétation du Coran. Et il y a également un résumé de ce tafsir écrit par Ahmed Shakir. Donc c'est le résumé de Tafsir ibn Kathir par Ahmed Shakir. Donc il est résumé. C'est un des meilleurs résumés. Il dit en ce qui concerne le tawhid, فهو أصل الأصول الذي به أنزلت الكتب وأرسلت الرسل صلوات الله وسلامه أجمعين عليهم أجمعين وبه النجاة في الدارين الدنيا والآخرة في الدنيا يعني من أي نعم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. Donc il dit quel exemple, par quel ordre tu dois commencer à apprendre le tawhid, l'unicité d'Allah. Le premier livre, lui, il dit, le cheikh, je vous conseille de commencer par les quatre règles, al-qawa'id al-arba'a. C'est plus petit que al-usul al-thalatha. Ça tient dans une page. C'est vraiment facile à mémoriser, les quatre règles. Deuxièmement, al-usul al-thalatha. Les trois fondements. Al-usul al-thalatha. Et ça, c'est pour commencer. Donc, les quatre règles. Le premier, al-qawa'id al-arba'a. Le deuxième, al-usul al-thalatha. Donc, tu mémorises ça. Tu mémorises ça en arabe. Et tu les étudies. Tu les étudies comme il faut, tu les comprends. Après, tu passes à Kitab al-Tawhid de Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ça aussi, c'est un très très bon livre. Et c'est des versets et des hadiths. C'est des versets et des hadiths. Le livre contient presque ça seulement. Après, tu as fini ça, Kitab al-Tawhid. Kitab al-Tawhid, ça parle surtout de Tawhid al-Ibada, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Donc, le prochain livre, c'est Al-Aqidatul Wasitiyah. Al-Aqidatul Wasitiyah, c'est un livre de Ibn Taymiyyah. Un petit résumé. Et ça aussi, c'est presque des versets, des hadiths. Et ça parle du tawhid dans les noms et les attributs. Al-Aqidatul Wasitiyah. Vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire, Al-Wasitiyah? Al-Wasitiyah, en fait, c'est une ville, la ville de Wasit. Et le livre s'appelle Wasitiyah parce que les gens qui ont posé la question à Ibn Taymiyyah à propos de la Aqida, ils voulaient avoir un résumé de la Aqida, il leur a écrit un résumé de la Aqida et ils étaient de la ville de Wasit. Donc on l'a appelé Al-Aqida Al-Wasitiyah à cause de ça. Et la même chose pour le livre Al-Hamawiyah. Al-Hamawiyah, c'est un livre qui a été écrit pour les gens de la ville de Hama. Donc on l'a appelé Al-Risala Al-Hamawiyya, ou bien parfois on l'appelle aussi Al-Fatwa Al-Hamawiyya. C'est des livres qui parlent aussi des noms et des attributs d'Allah et qui réfutent les gens et les sectes qui ont dévié sur ces questions-là. Il y a un résumé de ce livre-là, Talkhis Al-Hamawiyya. Je pense que c'est le Cheikh Ibn Uthaymeen qui l'a fait. Talkhis, c'est un résumé. Il est vraiment bénéfique aussi. Puis il est résumé, il résume parce que Al-Hamawiyya c'est des citations. Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il fait? Il établit des principes de base, puis après il commence à citer des individus qui ont parlé des noms et des attributs d'Allah. Donc il y a des longues citations et des longues énumérations de citations. Donc pour résumer, il y a des savants qui ont juste, disons, établi les principes et les règles, ils ont mis ensemble, ils ont résumé le livre. Talkhis al-Hamawiyya. Tu peux aussi, le cheikh dit, tu peux lire al-Hamawiyya au complet si tu veux, après. Ensuite, il y a un autre livre que les ulama, ils conseillent d'apprendre. Mais ça, il le laisse toujours pour la fin. Il le laisse toujours pour la fin. C'est le sharh de Al-Aqida Al-Tahawiyya. Al-Aqida Al-Tahawiyya. Donc tout ça, c'est des degrés. C'est-à-dire, quand tu as fini le premier, tu l'as étudié, tu l'as mémorisé, tu l'as compris, tu passes au deuxième. C'est comme première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Tu vois, c'est des degrés. Tu évolues dans ta compréhension, dans ta science. Plus tu évolues, plus que ça rentre dans les détails, plus que ça rentre dans les explications. Après, donc en dernier, c'est Al-Hamawiyya. Mais il dit, il faut que tu les mémorises. Faut que tu mémorises. Le cheikh il dit, il faut que tu mémorises Al-Qawa'id Al-Arba'a, il faut que tu mémorises Al-Usul Al-Thalatha, il faut que tu mémorises Kitab Al-Tawhid. Il dit, ومن أهم هذه الكتب مقدمة ابن أبي زيد القيرواني فهذا الذي أصاب به يدي ومن أهم هذه الكتب مقدمة ابن أبي زيد القيرواني ça c'est un bon livre c'est l'introduction de ابن أبي زيد القيرواني il a un livre ابن أبي زيد القيرواني qui s'appelle الرسالة c'est un livre de fiqh Mais l'introduction de ce livre, c'est la Aqidah d'Ahl Sunnah wal Jama'ah. Vous avez souvent des gens qui viennent du Maghreb, des musulmans qui viennent du Maghreb, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, ok? Et souvent ils disent qu'ils sont malikites, ils suivent le madhab maliki. Bon ben ce livre-là, c'est un livre du madhab maliki, ok? Puis, beaucoup des gens qui suivent le madhab maliki aujourd'hui sont sur la croyance de la secte des Ash'ara, Ash'ariya, ok? Et bien, ce livre-là, il était écrit à l'époque avant que l'Ash'ariya se répande au nord de l'Afrique. Et il enseigne la Aqida des Salafs. Donc, il réfute toutes les bid'ah des Ash'ara aujourd'hui. Donc, eux, ils se disent Ash'ari, alors que la base de la Aqida de l'imam, Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, c'est une aqidah salafia. Donc, il affirme les attributs d'Allah, et ainsi de suite. Donc, vraiment un très très bon livre. Et le chef, Muqaddimat Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. C'est le livre que j'ai enseigné le début quand j'étais au Mali l'été passé. Quand je suis allé au Mali, j'ai fait ça avec les frères, là-bas. Naam. Donc, c'est très très bon. C'est ça. Puis il y en a parmi les Malikiyas qui ont essayé de déformer son interprétation parmi les Asha'ira, justement. فَأَخْرَجُوهَا وَأَفْسَدُوهَا عَنْ بَابِهَا Allah musta'an. Donc, si tu retournes à l'origine, tu vas le trouver. Tu vas trouver la Aqidah telle qu'elle. Moi-même, j'ai à la maison des traductions de ce livre. Il est traduit en français. Pas la Muqaddima seulement, le livre au complet. Il est traduit. Et même qu'ils ont dit que ce livre-là, parmi les livres qui ont été trouvés en Amérique, que certains des esclaves, il y avait même parmi les esclaves qui ont été ramenés pour l'esclavage en Amérique, un des livres qu'ils ont retranscrit de l'arabe, certains esclaves l'avaient mémorisé par cœur, ils l'ont retranscrit, c'est ce livre-là qu'ils ont trouvé. Et c'était plus tard quand ils ont vérifié parce qu'ils ne savaient pas c'était quoi, c'était écrit en arabe, les Américains ne savaient pas c'était quoi ce livre-là. Puis quand ils ont vérifié, ils ont réalisé que c'était le livre de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani dans le fiqh maliki. Hein? En français, il appelle le Ar-Risala, Ar-Risala de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Ben, c'est-à-dire que la Muqaddimah, regardez, c'est un livre de fiqh, il s'appelle Ar-Risala. L'introduction de ce livre, c'est sur la Aqidah. Donc, il y en a qui l'ont publié séparément, l'introduction, puis en ont fait un livre de Aqidah, un livre de la croyance. Mais le livre au complet, si vous le trouvez, il y a l'introduction dedans. OK? Et il est traduit en français, ce livre-là. Il est traduit en français, moi j'en ai deux traductions à la maison. Deux traductions différentes. Ça s'appelle Ar-Risala. Ça s'appelle Ar-Risala. Je ne sais pas comment ils l'écrivent en français, je ne me rappelle plus. En arabe, c'est Muqaddima. Muqaddima, ça veut dire introduction. Et c'est-à-dire que c'est l'introduction de l'Ar-Risala, c'est ça. D'accord? Ok. Bon, il y a d'autres choses, mais ces choses-là, c'est compliqué si on va à ce niveau-là. Pour vous, je vous dirais, par exemple, par rapport à l'arabe, une fois que vous avez compris les livres de médecine, que vous avez réussi à les étudier avec un bon prof, puis que vous avez bien compris, faites à la Jurumiyya. Moi, je vous conseille même de le faire en même temps, les deux. les livres de médecine, puis à la Jurumiya ensemble. Parce que la Jurumiya, les livres de médecine, qu'est-ce que ça fait, les livres de médecine? Ça prend toutes les règles qui sont dans la Jurumiya, puis ça te les met en désordre pour aller graduellement. Il te donne un chapitre du début, un chapitre de la fin, puis il te le met pour aller graduellement te faire comprendre chaque chose par la pratique, par l'exemple, au fur et à mesure tu avances. Mais dans la Jurumiya, c'est plus structuré, tu vas l'apprendre plus comme en ordre, les choses, dans le sens que ça va être plus comme selon les chapitres de grammaire. Ça résume les choses plus clairement. Tandis que dans le livre de médecine, tu vas apprendre une règle ici au début, puis une autre règle à la fin, une autre règle par là, une autre règle par là. À la fin, yani c'est pas structuré, bien ordonné. Mais tu vas avoir compris des choses. Mais à la Jurumiya, ça va le mettre en ordre. Ça va mettre chaque chose en ordre. D'accord? Donc ça, c'est très important. Moi, je vous conseille d'étudier à la Jurumiya et de le mémoriser si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas le mémoriser, le texte, mémorisez le poème, Al-Manzouma. Et il y en a plusieurs versions. Ça ne sert à rien de mentionner les autres, parce que si vous n'avez pas mémorisé celle-là, si vous voulez mémoriser d'autres après, ça va être plus difficile que la Jurumiya. Pour la Sira, l'exemple de la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh, il mentionne le résumé de Sirat ibn Ishaq. Tahdhib, Sirat ibn Ishaq. Ça, c'est un livre que le cheikh dit que c'est un bon livre de Sira. Ou bien, il dit que c'est le livre qu'on connaît qui s'appelle Sirat ibn Hisham. Ok. Il dit, je conseille aux étudiants de lire ça. Naam. Est-ce qu'il donne d'autres choses? Oui, il y a les sciences après, d'autres sciences comme Usul al-Fiqh. Il conseille aux gens certains livres. Il mentionne Mukhtasar ibn al-Hajib. C'est un petit peu. Ça, c'est chez les Malikiyas. Al-Shafi'iyya, c'est Al-Waraqat. Mukhtasar al-Tahrir. C'est plus compliqué. Il y a un petit livre de Cheikh Ibn Uthaymeen dans Usul al-Fiqh qui s'appelle Al-Usul min ilm al-Usul. C'est une bonne introduction pour quelqu'un qui veut apprendre. Pour le fiqh, il y a Zad al-Mustaqni'. Ça, c'est dans le fiqh Hanbali. Sinon, chaque madhab a ses livres de fiqh. Donc, selon le madhab que vous sentez plus apte à suivre ou que vous avez plus envie d'étudier, vous pouvez choisir un matn selon le madhab. Chez les Shafi'iyya, il y a matn Abi Shuja. Matn Abi Shuja. Chez les Hanbali, souvent c'est par exemple un matin qui est très étudié maintenant, c'est Umdatul Fiqh par Ibn Qudama al-Maqdisi. Umdatul Fiqh, c'est un petit résumé dans le fiqh. Puis après, il passe souvent à Zad al-Mustaqni'. Zad, c'est un des livres les plus employés, les plus étudiés, enseignés. Puis souvent les chouyoukh, ils disent, si vous choisissez un matin, regardez si ce matin a été servi ou beaucoup travaillé. C'est-à-dire que il y a des livres que des savants ont utilisés comme base, puis que par la suite d'autres chouyoukh ont expliqué en détail. Et ils ont élaboré son explication par la suite. Donc, il y a différents degrés, justement. Donc, c'est plus facile d'évoluer avec un texte ou un matn comme ça, puisque après avoir étudié le plus simple, vous pouvez passer à un degré plus compliqué par la suite, puis aller évoluer comme ça petit à petit. Tandis que si c'est un matin comme ça qui n'a pas de suite, ou qui n'a pas d'autres qui le suivent, donc vous n'allez peut-être pas être capable de profiter autant. Et donc ça c'est pour qu'est-ce qui a rapport avec le fiqh. Comme je vous dis, ça c'est plus ici lui le cheikh il est Hanbali. Cheikh Mohammed bin Hadi il est en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite c'est le madhhab Hanbali. Donc la plupart des ulama là-bas le fiqh qu'ils apprennent c'est le madhhab Hanbali. Sauf que bien entendu ils sont pas muta'assibin, ils sont pas fanatiques. Hein, ils suivent pas aveuglément le madhhab. Ils reviennent aux preuves du Coran et de la Sunna pour chaque position, tu vois. Donc ça veut dire que c'est ça l'attitude qu'on doit avoir par rapport au madhahib, pas de suivre aveuglément, mais de suivre avec les preuves. Et que si dans le madhahib il y a une position qui est incorrecte, au contraire aux preuves, de les laisser de côté puis de suivre qu'est-ce qui est authentique et clair. Dans le hadith, quand on parle de hadith ici, je parle de mustalah. Les sciences qui ont rapport avec la terminologie des hadiths et l'authentification des hadiths et des choses de ce genre. Il y a plusieurs livres qui parlent de ces sciences-là, de cette science-là. Le plus simple, c'est Al-Bayquniya. Dans Al-Bayquniya, il y a 33 ou 34 degrés, différentes classifications de hadiths, Al-Bayquniya. Et puis, il a été expliqué par plusieurs grands savants. Puis, c'est un livre que les ulama enseigne, c'est un bon rappel. T'explique chaque degré, qu'est-ce que c'est le hadith sahih, qu'est-ce que c'est le hadith daif, qu'est-ce que c'est le hadith mordou, qu'est-ce que ça veut dire par exemple le mursal, qu'est-ce que ça veut dire, chaque terme des ulama al-hadith qui est employé, il t'explique qu'est-ce que ça signifie. C'est comme un petit aide-mémoire. Après il y a un autre livre qui s'appelle Nukhbatul Fiqh, écrit par Al-Hafiz ibn Hajar. Ça aussi c'est petit, mais c'est plus développé, plus Nukhbatul Fiqh. Nukhbatul Fiqh. Donc ça c'est très bon. Ça c'est juste, je vous donne les plus simples pour commencer, puisque les autres sont plus compliqués, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'il mentionne après? Bon, il parle aussi de d'autres domaines de science, mais qui sont peut-être plus tard, là, pas pour les débutants. Donc, ça, c'est juste un petit résumé que le cheikh a fait. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de le mentionner. Puis, c'est sûr que j'ai pas élaboré plus que ça. Je voulais garder l'affaire assez simple en même temps, pour vous faire comprendre qu'il y a ce principe de tadarruj et ainsi de suite. C'est que la méthode traditionnelle de l'apprentissage de l'islam, c'était comme ça. Et les ulama à l'époque, ils apprenaient pas nécessairement dans des écoles ou dans des universités la religion. Ils apprenaient à la mosquée avec les ulama, avec les shuyukh, ils s'assoyaient dans la mosquée puis ils apprenaient la science. Aujourd'hui il y a des institutions, ça facilite la science, mais les ulama ils disent tous que c'est pas suffisant. C'est à dire que si quelqu'un il va juste se limiter à prendre des cours à l'université puis faire le programme, c'est pas suffisant pour que à la fin il sorte comme avec une base ou pour être un savant. Non. Parce que les études universitaires, tu fais juste passer rapidement sur chaque chose, puis tu te prépares à un examen, après tu passes l'examen, t'as ta note, puis tu passes au niveau suivant, puis ainsi de suite. Après, si tu réussis tes études, on te donne un diplôme. Bon, ça veut pas dire que t'es un savant après ces études-là, ça veut dire que t'as une connaissance générale de la religion. Puis après, tu peux faire une maîtrise. La maîtrise, ça consiste à faire une recherche ou à faire une vérification de manuscrits ou des choses comme ça. Si tu réussis après après 4 ans, à Médine c'est 4 ans la maîtrise, quand tu as fini, bon, on te donne un diplôme de maîtrise et tout. Tu fais un doctorat après si tu veux, si tu es capable. Tu fais un doctorat, c'est 4 ans encore. Puis tu vas faire une recherche ou quelque chose comme ça. Donc tu vas passer 4 ans à lire sur un sujet, rassembler tous les livres qui ont été écrits sur, sur ce sujet-là, puis écrire une recherche sur ce sujet. Puis tu as un professeur qui te... qui t'oriente, qui t'aide à faire ta recherche comme il faut. Puis après 4 ans, bon, tu fais ta présentation, puis on te donne un diplôme. Mais ça ne veut pas dire qu'après que tu es docteur, que tu es un alim. Non. Il y a beaucoup de gens qui ont des doctorats, puis pourtant c'est des ignorants. Hein? C'est des égarés même parfois. Donc il faut donc réunir la connaissance des méthodes modernes dans les universités, les institutions, puis aussi en parallèle étudier avec les ulama dans les mosquées, apprendre avec les livres et ainsi de suite. Puis même il y a les durus qui se donnent à la mosquée, puis il y a les durus même qui se donnent chez certains mashaykhs, par exemple dans leur maison. Parfois ils ont des cours en privé avec des élèves par exemple qui sont plus forts ou plus avancés. Ils vont faire des cours plus rapides, avancer plus rapidement dans certains livres, des choses comme ça. Donc c'est pour dire que l'apprentissage c'est sans limite. Il y a toujours quelque chose à apprendre, mais c'est pour ça qu'il faut se concentrer sur les bases et commencer à apprendre ce qui est le plus important en premier, puis après on avance à partir de ça. Et comme ça on va pas de tous les côtés. Il y a des frères, je me rappelle, ils commençaient à mémoriser un livre, puis après 2 mois ils disaient: ah, je vais commencer un autre livre, finalement j'aime pas celui-là, ils changent, ils vont à un autre, ils commencent à un autre, là après ils disent: ah, je vais aller étudier avec un autre cher parce que j'ai commencé avec lui mais je veux pas aller, je veux finir, finalement je préfère l'autre. Donc ça c'est pas correct. Il faut commencer un, tu l'étudies, tu vas jusqu'au bout, tu le finis. Quand t'as fini, tu commences un autre. Tu ne vas pas, pendant que tu commences un, tu l'arrêtes en plein milieu, puis tu vas aller avec un autre cheikh. Ça, ce n'est pas correct. Il faut être discipliné, il faut être sérieux. Et il faut terminer qu'est-ce qu'on commence. Ça, c'est une règle d'or, une règle très importante. Quand tu commences quelque chose, vas-y jusqu'au bout, arrête pas en plein milieu. Commence pas quelque chose, puis après, tu n'as pas fini, tu l'arrêtes et tu le laisses. Non. Essaie de finir tout ce que tu commences. Parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment profiter de la science. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, il va te bénir dans tes efforts et dans ta quête de la science. Et c'est sûr qu'on est ici, par exemple, on n'est pas des ulama, il n'y a pas d'ulama ici. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas profiter des tulab ilm ou des gens qui ont étudié avec les ulama, ou bien qui nous font profiter des paroles des ulama. Hein? Donc, de profiter, de s'asseoir avec eux, de mémoriser avec eux, de faire des efforts pour essayer d'augmenter notre connaissance, notre compréhension. Parce que c'est quelque chose qui est bénéfique. Puis, on est justement, à cause du fait qu'on est loin des savants de l'islam, on n'a pas d'autres, malheureusement, on n'a pas d'autres moyens. Hein? Donc, on fait avec qu'est-ce qu'on a. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette science bénéfique et qui nous donne la compréhension et qui nous fasse réaliser l'importance donc de cette science et de l'apprentissage. Donc ça c'est très important. Puis pour terminer, je dirais que il y en a des gens aujourd'hui qui, quand on parle de l'importance de la science, ils mentionnent des versets dans le Coran, mais ils essaient d'appliquer les versets sur la science de la dunya. Hein? La science qui est mentionnée dans le Coran, c'est la science de la religion en premier, la science de la charia d'Allah, la science de la connaissance d'Allah et de son adoration. Ça c'est la priorité, c'est le plus important, parce que sinon si tu vas étudier les choses de la dunya, c'est pas ça qui va te sauver au jour de la résurrection. Hein? Ça veut pas dire que c'est pas bénéfique, ça veut pas dire qu'on dit pas aux gens de pas les étudier, au contraire, s'ils ont des aptitudes dans ces sciences là oui. Mais de pas négliger la religion et l'apprentissage de la religion pour ces sciences-là. Et encore pire, celui qui dénigre les savants ou la science de l'islam parce que il pense que c'est plus important que la connaissance de la religion. Ça, c'est grave. Hein? La connaissance de la religion est plus importante que la connaissance des choses de la dunya. Et le savant de l'islam, il est plus respecté, plus aimé, plus honoré que le savant de la dunya. Le savant de la dunya, ça peut être un kafir, ça peut être un juif, un chrétien, un athée, un idolâtre. Tandis que la religion d'Allah, c'est hein, uniquement les ulama rabbaniyin, les plus pieux, qui l'apprennent. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » seulement ceux qui craignent Allah parmi ses serviteurs sont les ulama, les hommes de science, les savants. Donc il y a plein d'éloges des hommes de science dans le Coran. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, pour cette introduction. Je le sais qu'on a eu un retard, qu'on a commencé en retard. On aurait espéré qu'il y allait avoir, une autre conférence avant celle-ci, comme c'était supposé. Puis il y allait avoir une conférence avec le frère Hassan après, mais étant donné que on a eu un peu de retard sur la route, donc on n'a pas eu la possibilité de faire ça. Donc pour aujourd'hui, on se limitera à ça. Demain, on va se reprendre, Inch'Allah, et on va commencer notre programme. Et il y aura les cours tels que prévu, Inch'Allah. Puis on espère que vous allez profiter le plus possible. Puis amenez vos amis, amenez vos voisins, les gens que vous connaissez, pour qu'ils puissent venir et profiter et apprendre aussi pendant ces jours-là, puisque c'est ça le but de ce séminaire. إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.